Prononciation, exercice 25. Opposition e. Écoutez. C'était comme dans R. Il fallait laisser briller le soleil. Répétez. La quête, c'était celle de la vraie vie. Dans ces années-là, tout était gai, ou pouvait l'être. Et la vraie vie, c'était de changer la vie.